Tendez les bras. Relâchez. C'est fatigant. Soufflez. Levez la jambe droite. Baissez-la. Vous allez faire le même mouvement 10 fois de suite. 10 fois? N'oubliez pas de souffler. Voilà. Ça suffit. Maintenant, allongez-vous par terre, les pieds au sol. Ça fait du bien de s'allonger. Je suis crevée. Nous allons faire quelques abdominaux. Oh non! Je vais avoir des courbatures. Mais pourquoi est-ce que vous prenez des cours de gym alors?